بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونكمل ما تبقى من سورة الليل. Aujourd'hui on va finir les versets restants de سورة الليل إن شاء الله تعالى. Et certes, on est arrivé à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Et son argent ne lui sera d'aucune utilité lorsqu'il périra. Son argent ne lui sera d'aucune utilité lorsqu'il périra. Fal insanu yaghtaru bil mal illa man rahimahu Allah. L'être humain est leurré par l'argent, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Fatajidu bani Adam yas'auna khalf al-mal. Et donc tu trouves les enfants de Adam, les descendants de Adam, courir après l'argent. Yufarrituna fi huquqillahi min ajli al-mal. Ils sont négligents quant aux droits d'Allah à cause de l'argent. يؤخرون الصلاة عن وقتها. Ils vont faire sortir la prière de l'ordre de son temps. يتركون الصلاة في الجماعة. Ils délaissent la prière en commun. لا يجدون وقتا لتعلم ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه. Ils ne trouvent pas de temps pour apprendre ce que Allah leur a ordonné et ce qu'il leur a interdit. كل هذا من أجل المال. Tout cela à cause de l'argent. وَيُفَرِّطُونَ فِي حُقُوقِ النَّاسِ يَنْسَوْنَ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينَ. Ils sont négligents aussi concernant les droits des gens. Ils vont oublier les pauvres et les besogneux. لَا يَجِدُونَ وَقْتًا لِأَوْلَادِهِمْ لِتَرْبِيَتِهِمْ. Ils ne trouvent pas de temps pour leurs enfants, pour leur éducation. كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ الْمَالِ. Tout cela à cause de l'argent. وكأن هذا المال سيغنيهم عند الله تبارك وتعالى. Et comme si cet argent leur sera d'une quelconque utilité, comme si cet argent leur sera utile auprès d'Allah تبارك وتعالى. وليس الأمر كذلك. Et certes, ce n'est pas le cas. هذا المال الذي جمعته لا يفيدك شيئا إن لم تستعمله في طاعة الله. Et donc cet argent que tu as rassemblé ne te sera d'aucune utilité si tu ne l'utilises pas dans l'obéissance à Allah et si tu ne l'as pas gagné d'une façon légiférée. Lakinna kathiran min an-nas futinu bil mal. Cependant, beaucoup de personnes sont éprouvées par l'argent. Fayamlikuhum maluhum. Et donc c'est leur argent qui les possède, mais eux ne possèdent pas l'argent. En réalité, c'est l'argent qui les possède. Mais ce ne sont pas eux qui possèdent l'argent. Car ils ne font pas ce qu'ils veulent. Mais ils vont être soumis à cet argent. Ils vont délaisser leurs obligations pour cet argent. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal oula. » Certes, c'est nous qui guidons. « Inna alayna lal huda. » Certes, c'est nous qui guidons. « Wa inna lana lal akhirata wal oula. » Et c'est à nous qu'appartient la dernière ainsi que la première. فلا عذر لأحد لأن الله ألزم على نفسه بيان الحق للخلق. Et donc personne n'a aucun argument, aucune preuve, parce que Allah tabaraka wa ta'ala s'est imposé à lui-même le fait de montrer la vérité à ses créatures. فالله تعالى أرسل الرسل. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le messager. Et il a dit Rusulan Mubashirin wa Mundirin. An la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Donc des messagers qui ont été envoyés, annonciateurs de bonnes nouvelles, mettant en garde contre un châtiment terrible, afin que personne n'ait de preuve face à, afin que personne n'ait de preuve face à Allah tabaraka wa ta'ala après l'envoi des messagers. Personne n'a de preuve après cela. Personne n'a d'argument, personne n'a aucun argument. Personne ne peut dire, mais Allah, tu n'as pas envoyé quelqu'un pour me guider. Mais Allah, tu ne m'as pas montré la vérité. Mais Allah, tu... Non, tout a été éclairci. Allah tabaraka wa ta'ala a montré la guidée, mais c'est toi qui ne la veux pas. Est-ce que c'est l'argent qui t'éloigne de cette vérité? Qu'est-ce qui t'éloigne de cette vérité? Qu'est-ce qui t'empêche de la suivre? Allah tabaraka wa ta'ala a bayyana kulla ma yanfa'u al-ibad. Allah tabaraka wa ta'ala a montré tout ce qui est profitable, tout ce qui est profitable aux serviteurs. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Il dit donc l'imam Ahmed rahimahullah cité dans son recueil al-Musnad selon Abi Dhar, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Il n'y a pas un seul oiseau qui battait de ses deux ailes dans le ciel sans qu'il nous ait expliqué une science concernant celui-ci. Fannabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, bayyana lana kulla shay. Ce qui est voulu ici, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout montré. لذلك قال ما من شيء يقربكم من الجنة أو يبعدكم من النار إلا وقد بين لكم. Et c'est pour cela qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une seule chose qui vous rapproche du paradis ou qui vous éloigne de l'enfer sans que cette chose ne vous ait été montrée, expliquée. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاج إليه. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré tout ce dont nous avons besoin. إذن علينا بالأسباب. Et donc c'est à nous de faire les causes. علينا أن نتعلم هذا الهدى وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Nous devons donc apprendre cette guidée et cette religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa inna lana al-akhirata wal ula. Certes, c'est à nous qu'appartient la dernière et la première, c'est-à-dire la dernière vie ainsi que la première, la vie de ce bas monde. Fal ula lillah yaf'alu ma yurid. Et donc la première vie appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, la vie de ce bas monde, celle-ci que nous vivons, celle-ci dans laquelle nous vivons actuellement. Elle appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Wal akhiratu lahu. Et aussi la dernière aussi. Elle lui appartient tabaraka wa ta'ala. Lakinnahu qaddama dhikra al-akhirati 'ala al-ula li'umur. Cependant Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, vous pouvez remarquer qu'il a cité d'abord la dernière avant la première. Et ceci pour plusieurs raisons. منها أن الآخرة أهم من الأولى. Parmi les raisons, il y a le fait que la dernière vie, la vie de l'au-delà, elle est plus importante que la première. ولأن ملكه يظهر أكثر في الآخرة. Et c'est parce que la royauté d'Allah تبارك وتعالى se voit encore plus dans l'au-delà, dans la dernière. إذ أن بعض الناس قد يعطون الملك fil oula amma fil akhirah fa kulluhum sawa la mulka illa lillahi ta'ala. Ceci car à plusieurs personnes ici-bas il peut leur être donné la royauté. Allah tabaraka wa ta'ala peut faire en sorte qu'un tel soit un roi, un tel soit un gouverneur, etc. ici-bas, mais dans l'au-delà ils seront tous égaux. Il n'y aura de royauté que à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Alors, je vous ai mis en garde, je vous ai averti contre un feu qui flambe, que nul ne brûlera, sauf le plus malheureux, celui qui a démenti, qui a traité de mensonge et qui s'est détourné. فَالشَّقِيُّ حَقِيقَةً هُوَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Et donc, en réalité, le malheureux, c'est celui qui ne rentre pas au paradis. لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْكِي عَلَى مَا يُصِيبُنَا مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا لِأَنَّ الشَّقَاوَةَ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ. Et si seulement nous connaissions réellement cela, ô mes frères et sœurs, alors nous n'aurions pas pleuré concernant le mal qui nous touche ici-bas. Car en réalité, le vrai malheur, c'est le fait de rester éternellement dans le feu. وَالنَّارِ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا هَذَا الَّذِي كَذَّبَ الرُّسُلُ بقلبه وتولى عن العمل بما جاء به بجوارحه هذا هو الشقي. Et certes, ce feu ardent, seul celui qui a traité les messagers de mensonges par son cœur et qui s'est détourné de leurs recommandements, de leurs commandements, qui s'est détourné de ce qu'ils ont ordonné avec ses membres, c'est lui le malheureux, c'est lui qui brûlera éternellement dans ce feu. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa siyujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Et certes sera écarté, en sera écarté le pieux, al-atqa. Le pieux, celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui donne de son argent et se purifie. Yatazakka, purifie son âme. Fal jannatu u'iddat lil muttaqin. Le paradis, certes, mes frères, a été préparé pour les pieux. Hadha at-taqi wasafahu Allah ta'ala bi annahu yatasaddaqu bi malihi. يُنْفِقُ مَالَهُ وَيُزَكِّي نَفْسَهُ. Ce pieux, Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit comme donnant son argent en aumône. Il dépense de son argent. Il purifie son âme. وَمِنْ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أن يتصدق بماله ويترك واجبا عليه من ماله كالدين وغيره. Nous pouvons tirer de ce verset qu'il n'est pas permis à l'individu de donner son argent en aumône tout en délaissant des obligations qui lui incombent liées à son argent. Pourquoi? Comme exemple, la dette ou autre. Car cette dette est une obligation. Cette dette que tu dois à quelqu'un, tu dois lui rembourser son argent, c'est une obligation. En ce qui concerne, donc l'aumône, c'est une aumône recommandée, elle n'est pas obligatoire. فَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا لِمُسْتَحَبْ لَمْ يَكُمْ بِالسَّبَبْ الَّذِي بِهِ يُزَكِّي نَفْسَهُ. Et celui qui va délaisser une obligation pour quelque chose de recommandé, celui-ci n'aura pas fait les causes pour purifier son âme. Et donc, il est impératif de prendre cela en compte. Wa qala ahlul ilm. إن هذه الآية نزلت في أبي بكر حينما كان يشتري المملوكين فيعتقهم. Les gens de science, ils disent que ce verset a été révélé par la cause de Abu Bakr. Lorsque il achetait les esclaves, donc les esclaves qui se faisaient châtier par Quraysh, il les achetait, comme il a acheté Bilal. Et donc, exemple, Umayya ibn Khalaf qui châtiait Bilal dans la chaleur ardente de la Mecque. Alors Abu Bakr, qu'il a acheté, comme il a acheté d'autres esclaves. Et une fois qu'il possédait les esclaves, alors il les libérait. Radiallahu anhu. Alors il les libérait. Et donc les savants, ils ont dit que ce verset était descendu par la cause de Abu Bakr. Wa anta ya akhi ya ukhti. حولك أناس غارقون في المعاصي فكن عونا لهم في فكهم من هذا السجن الذي هم فيه. Mais toi, mon frère ou ma sœur, il y a autour de toi des gens qui sont noyés dans les péchés. Alors sois pour eux une aide, un secours, pour les aider à se libérer de cette prison dans laquelle ils sont. Sijnu shaitan, la prison du diable. Wahum la yash'urun, et ils ne sentent pas qu'ils sont en prison. Ils ne sentent pas qu'ils sont emprisonnés, qu'ils sont esclaves de leurs péchés, esclaves du diable. Fakun fi aunihim bimalik wa ilmik wa adabik wa waqtik. Alors aide-les avec ton argent, ta science, ton comportement, ton temps, tout ce que tu possèdes pour pouvoir les aider. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Et personne n'a auprès de lui un bienfait qui doit être récompensé. C'est-à-dire cette personne-là qui va dépenser pour les autres, qui va faire pour aider, qui va faire des choses pour aider les autres. Elle ne le fait pas pour récompenser ces gens, pour récompenser ces personnes-là, à cause d'un bienfait que ces personnes ont fait pour lui auparavant. Ce n'est pas pour ça qu'elle fait ça. Ce n'est pas pour ça que tu vas dépenser pour eux. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que eux, ils t'ont fait un bien avant, que ça veut dire que maintenant tu vas dépenser pour eux. Que ça veut dire que maintenant tu vas donner ton temps pour eux. Que ça veut dire que maintenant tu vas donner de ton énergie, de ta science pour eux. Ce n'est pas pour ça. Il l'abtira à wajhi rabbihi al-a'la. Cependant, c'est pour rechercher la face de son Seigneur, le très haut, le plus haut. Tu recherches l'agrément de ton Seigneur. Quand tu fais cela, tu recherches l'agrément de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas pour les gens. Wa la sawfa yarda. Il sera bientôt satisfait. Fa hadha at-taqi la yunfiqu ma yunfiqu min al-mal li yashkura ahadan ala khairin qama bihi. Et donc ce pieux, il ne dépense pas ce qu'il dépense comme argent pour remercier quiconque d'un bien qu'il a fait pour lui. Cependant, ce pieux, il fait cela pour Allah seul. Et certes, il sera bientôt satisfait de la récompense que Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde dû à ses agissements, à ce qu'il a fait. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ. Et donc nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les pieux. وَأَنْ يُجَنِّبَنَا الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي. Et nous lui demandons de nous écarter des péchés et de sa désobéissance. ونسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا. Et nous lui demandons, tabaraka wa ta'ala, de purifier nos cœurs. Il est capable de toutes choses. On arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khaira.